RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 22h, Scream en solo, Sylval se repose et le Slasher aussi. On se remet tout doucement du fameux Hellfest, et la semaine prochaine on vous contraint nos 4 jours elfessiens avec Sylval bien entendu et le Slasher. Une superbe édition, je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui j'aurais pu aussi bien me reposer, mais non, il fallait un peu comme ça, un peu comme les sportifs, même si je ne suis pas sportif du tout, loin de là, un petit décrassage d'oreille. Donc je me suis dit je reste pas dans mes murs, je vais faire un petit décrassage elfessien, histoire de bien se remettre un peu dans le vent, c'est dur une coupure comme ça, clac, paf, et surtout quand l'ambiance est là et quand tous les poteaux étaient présents. Voilà, vous en saurez un peu plus la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà voir quelques photos qui circulent ici et là sur la page Rive d'Enfer avec certaines rencontres, de belles rencontres bien entendu, et de bons souvenirs. Allez, trêve de plaisanterie, là c'est Downtown bien entendu avec le fameux groupe Heat qu'on espère voir dans nos contrées prochainement. Que voulez-vous ? On attend, on espère et on croise les doigts. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM, 95 FM. Et on va s'écouter dans un premier temps le groupe Bell avec Reaching Out. C'est pas mal. Et on commence comme ça, tout doucement. Bah, c'est pas mal du tout, hein. Tout simplement, c'est Balls avec Reaching Out. J'aime bien un peu le truc très rock'n'roll, très. On va dire rock'n'roll, bien de rentrer dedans. Et puis après, boum, un petit passage un peu lourd, un peu à la. On va dire un peu à la Doom, comme ça. C'est bien foutu, ben, c'est belle. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Hellfire avec Tide. Et c'est extrait de l'album The Human Defeat. Your mind, listen. canon aussi, hein, cette petite découverte Il Fire avec Tide. Voilà, j'en profite aussi à faire un petit coucou à tous nos potos qui sont peut-être déjà rentrés ou qui sont sur la route. Ben, prudence les amis, hein, car la fatigue, elle est là, hein, donc voilà. Le prochain titre qu'on va s'écouter, Secret Outs avec 12 Bells, extrait de l'album du même titre et éponyme, 12 Bells. We'll be right back. Sacred Watts avec 12 Bells. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous jusque 22h Scream. Voilà, et on fait un petit coucou à Sylva et aux Slashers qui se reposent, ils reprennent des forces pour être présents la semaine prochaine pour vous conter nos aventures elfessiennes, comme je vous l'ai dit. On en profite aussi pour faire un petit coucou à nos amis Vaken qui nous écoutent, Yannick, Sed et toute la bande, et tout est cointé, comme on dit. On poursuit avec The Press Gang avec le titre Medusa, extrait de l'album Cheering the Rest. The Press Gang Medusa. Alors je rappelle aujourd'hui aussi, il n'y aura pas de balade crapuleuse, il n'y aura pas de Sylval Song et ni de Slasher Song, tout simplement parce qu'on n'a pas préparé. On s'était dit, on va se reposer pour le retour du Hellfest. Mais comme je vous ai dit, il se repose, tant mieux. Mais moi j'avais besoin d'un décrassage d'oreille, comme on dit, comme les sportifs. Ils font un match de foot, le lendemain ils remettent un peu les couverts. Mais bien entendu, j'attends mes collègues, mes comparses, pour vous conter cette aventure. Et si vous avez des témoignages ou des questions ou des choses à dire sur le L, vous pouvez nous envoyer vos emails et on les comptera la semaine prochaine, lundi prochain. Donc vous pouvez envoyer sur riffdenfer.rqc@gmail.com riffdenfer.rqc@gmail.com. Et oui, Wakian, on a un petit peu la tronche un peu à l'envers, mais comme tu dis, c'est dur, mais c'est très bien. Alors, le prochain, c'est Alice Blackout avec Give Up the Ghost. extrait de l'album Violence. And she's on empty. Her cage in red, but don't stop yet on this one-way street. I've seen firsthand when things go bad. The line's been drawn into the sand. Three men last stand, I watch as history repeats. She thinks he loves to lie. Convinced he feeds out to her all the time. Snake in the grass when a first class fast that can't be redeemed. Say his last right to better build his face to bed when she fights. Sacrifice, but please think twice. Love has its price, leaving him for dead. C'est pas mal du tout, hein, c'est un Elise Blackout avec Give Up the Ghost. Le prochain, c'est Horn, avec le titre Die Meet Dems Bogan of Dem Crows. C'est de l'allemand. I'm sorry, so sorry, les amis. Comme je vous ai dit, moi et l'allemand, on est deux. C'est parti. Everybody, this is Joachim from Sabaton. You're listening to Riff d'Enfer on RQC with The Scream. Take care and see you on the road. Thank you. Voilà, donc c'était Orm avec Die, enfin je sais pas comment on prononce en allemand, Die Mitten den Bogen plutôt, Auf dem Kreuz. Voilà. Là, c'est un extrait d'album Walking the Guardian live. C'est du Fate Warning qu'on va s'écouter avec Valley of the Doll. Extrait donc de cet album live, les amis. Et oui, Fate Warning, ça joue toujours bien comme ça. Là, c'était Valley of the Doll, extrait d'album de donc Awaken the Guardian live enregistré en Allemagne. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais si vous l'avez entendu. Algol avec le titre Imp of Perverse, extrait de l'album Mindframe. C'est tout de suite, c'est là, c'est maintenant, c'est sur RQC 95 FM. Des potes quand même, Algol avec Imp of Perverse, Paramise, Kingdom of Solace, c'est tout de suite, c'est là, c'est maintenant, c'est sur RQC. Donc je vous rappelle que la semaine prochaine, Sylval et les Slashers seront là et nous vous parlerons de Duelfest où nous étions présents. Voilà, donc c'est tout de suite maintenant avec Paramise, Kingdom of Solace, c'est tout de suite, c'est là, c'est juste ceci. très très bon ce titre de Paralyze, Kingdom of Solace. Alors quand Mike Terrana, mon fameux cogneur derrière ses fûts, fait encore partie d'un nouveau groupe, parce qu'il en a fait partie des groupes, hein, il a pu tourner sa bosse un peu partout, beaucoup des groupes en Allemagne, il y a aussi M. Terrana. Là, il y a un nouveau groupe qui est formé, qui s'appelle The Ferryman, et on va s'écouter End of the Road, avec bien entendu comme cogneur, comme je vous disais, Monsieur Mike Terrana. I'm Moi, je vous le dis, l'album va faire un carton quand même. End of the Road, The Ferryman, avec bien entendu nouveau side project de Monsieur Mike Terrana. Au fut Animae Silente, Burning in Silence, extrait de l'album Suffocated. C'est là, c'est ça. Voilà, Animae Silentes avec Burning in Silence. Burning in Silence, il est exactement 21h à notre studio et on continue avec Ravage Spectral Riders. Ravage Spectral Raiders, c'était sur RQC 95 FM. On poursuit la programmation musicale avec un titre un peu zarbi, un peu long, qui s'appelle, le groupe s'appelle Weatherfall. L'album s'appelle Nocturne and Requiem et on va s'écouter tout simplement Sacrifice. Je vous l'avais dit, un morceau à différentes variantes. Hein. C'est Winterfall, l'extrait de l'album Nocturne and Requiem. C'était le titre Sacrifice. On continue la programmation de ce lundi avec Ancestry, avec Ash to Oblivion. Yeah. Ancestry Ash to Oblivion, extrait de l'album Transition, pas mal du tout, hein, c'est du power. Là, on va s'écouter A New Rage, l'album s'appelle Life Related Symptom, et le titre c'est My Worst Friend. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous jusqu'à 22h, Scream! Reaction, you've always been here, holding the last four wind, we're connected, out of control, it all turns around us. See me a pattern, you only make me stronger, disappoint me, and now I'll fight back again. I won't have mercy for you, it all turns around us. Desire you can't live without me. Keep burning everything just for the first prize. Once again, but I can't let you take the credit. Just a breath, we're attracting each other. Then we refuse, my best enemy, my worst friend. You just leave every single desire inside with broken promise. A New Rage, My Worst Friends, de l'alternative bien foutu quand même. Beat the Wolf, Animals, c'est maintenant, c'est là, c'est tout de suite, c'est sur Rive d'Enfer. I'm L'album s'appelle Rouge, tout simplement, et là on s'écoutait le groupe Beard Wolf avec Animals. Le prochain c'est Ear Attack, Burn My Flinch, et extrait de l'album The Resilience. Ear Attack, Burn My Flinch. Vraiment bien, bien, bien foutu hein, ce morceau. Trashy, mais comme on l'aime. Herlot, l'album s'appelle Extinction. Et on va s'écouter First World Solution. Welcome to the weight of the sunshine. Eh ben ça dégrave, franchement, ça a des potes graves hein, quand même, Arlott, avec First World Solution, ça dépote, hein. Voilà, ça nous a bien réveillé, on va dire ça comme ça, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous jusque 22h Scream pour l'émission Rive d'Enfer, n'ayez pas peur, vous retrouverez la semaine prochaine le Slasher et Sylval qui seront là, ils se reposent. De notre week-end de fatigant hein, qui était le Hellfest, mais on vous en parlera la semaine prochaine. Nadimek Piluca, c'est tout de suite, c'est maintenant. L'album s'appelle Besnilo, c'est parti. Là, Nadimac, les enragés espagnols, hein. Palicuca, c'était le titre qu'on vient de s'écouter. Voilà, il y a moyen de pogoter pas mal là-dessus. Voilà, Quartz, c'est maintenant avec l'album qui s'appelle Fear No Evil. Rock Bottom, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là, c'est sur RQC. Si vous êtes bien branchés, donc c'est sur le 95 FM ou par internet, ça se fait aussi maintenant. Hein. Avec sur rqc.be où vous pouvez nous regarder aussi en direct sur la page Facebook Rive d'Enfer. I see a black moon rising. du bon rock comme on l'aime aussi hein, sur Rive d'Enfer, et c'est sur RQC. Blackwood Spirit avec Give Me God Loving, c'est ça. Et l'album s'appelle simplement Blackwood Spirit aussi. Donc voilà, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est un de mes coups de cœur aussi, ça. Summer. C'est vraiment un chouette titre quand même, Backwood Spirit, c'est le groupe. Et le titre c'était Give Me God Loving. C'est nouveau, c'est tout frais. That's a Rock Guy, c'est le nom du groupe. Superstar, c'est le titre. Et l'album s'appelle simplement Nothing to Lose. That's the Rock Guy, Superstar. Je vois vraiment un gros potentiel avec ce titre. Et c'est un titre taillé pour la scène. Semi Barrel Judgment Day. You should have been. Hein, les guitares sonnent quand même fort fort mal signées, hein, quand même. Semi Barrel, Judgment Day, l'album s'appelle Passion Dream. Voilà, il est bientôt l'heure de se quitter, mes amis. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie donc de Sylval et de Slasher pour une nouvelle émission Rive d'Enfer. Et là, on vous comptera nos aventures Hellfest que nous avons passées du jeudi au dimanche. Donc voilà, il y aura plein de choses à vous raconter. Et chacun donnera un peu son avis sur ça. Mais voilà, bon, j'ai préféré attendre que l'équipe soit au complet. Alors nous, on se fixe ce rendez-vous la semaine prochaine, donc à partir de 20h. Sinon, bah, pour les étudiants, bossez bien. Hein. Et pour les autres, bah, profitez bien de la chaleur. Ça fait du bien. Nous, on aime bien, en tout cas. Enfin, en tout cas, ça, si vous n'aimez pas, bah, tant pis pour vous. Mais moi, je préfère de la bonne chaleur. On va se quitter avec Soul, avec l'outil tout simplement 2. Voilà. Ciao les amis. À bientôt. On naviguera entre Nawak Metal, Punk Hardcore,